Leçon 10, dixième leçon, au bureau de poste. Première partie, la sœur de Guy Martin se présente. Je suis la sœur de Guy Martin. Nos parents sont morts depuis 10 ans. Guy et moi avons conservé l'appartement de nos parents. C'est ennuyeux parce qu'il est trop grand et trop cher pour nous. Nous voudrions trouver un appartement plus petit et moins cher. À vrai dire, nous voudrions trouver un appartement chacun. Mais il est très difficile de trouver des appartements à Paris. En ce moment. Nous sommes donc obligés d'attendre.